Hello. Alors, cette semaine, nous sommes de nouveau avec Nelson et Yes. Nio et moi-même. Hello. Donc, ici les Catou. Donc, alors, cette semaine, du coup, comme on est de nouveau trois et que, on est en pompe, hein, mon enfant, on va vous parler de cinq films. Enfin, quatre essentiellement, quatre, on verra s'il y a le temps pour le cinquième. Donc, d'abord, on va commencer avec King of Kong de Seth Gordon avec Nelson. Yes. Ensuite, on Yes. va faire Hurlement de Joe Dante avec Nio, qui s'est fait un revival qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Ça fait plaisir. ensuite, Shading de Jeb Thomas avec moi-même. J'ai pêché un film purement inconnu, récent, enfin un truc un peu indé, quoi. Et enfin, Predator 2 de Stephen Hopkins avec Neo et une intervention de Nelson après. Et si jamais il y a le temps, on fera Rebecca avec moi-même de Ben Wheatley. Bah, Ah le remake oui, Ben Whitley quand même. de... Oui, ben c'est pour ça, c'est... Voilà. Mais c'est un peu Ok. particulier, j'en parlerai plus Un tard. grand fan du film original en plus. Ben moi, je l'aime beaucoup aussi, alors du coup, je l'ai rematé quand même pour faire le comparatif et tout, mais bon, bref, j'en parlerai tout à On en l'heure. reparlera. Voilà. Donc, on va commencer avec King of Kong de Seth Gordon avec Nelson. Yes. Alors, King of Kong, sorti en 2007, film qui avait été chroniqué dans l'émission Cross de Karine Debbas. Un documentaire, en fait, qui parle de Steve Woody, qui est un type, en fait, qui a. Qui est un peu un. Enfin, c'est un peu le poulie d'or, quoi. C'est le mec, c'est l'éternel second. C'est le gars qui aurait pu concrétiser quelque chose, mais qui a jamais réussi. Et qui se met en tête un jour de vouloir battre le record de Billy Mitchell, un type qui est un enculé, il n'y a pas d'autre mot. C'est rien. De Ouais, Yidi Billy Mitchell, pas Eddie Mitchell. Mitchell. À noter que si on se trompe de Mitchell, Eddie Mitchell c'est aussi un enculé dans un film de Tavernier. Oui, c'est vrai, mais c'est dans un film de Tavernier. Moi, je préfère penser que c'est Eddie Mitchell qui s'est mis aux jeux vidéo, d'accord? On fait comme ça? Et donc oui, donc ce qui vous dit en fait, c'est un en fait, enfin, il a chez lui une borne de King Kong. Et King Kong, le premier King Kong de 81 et tout, et en fait, il y a un record qui n'a pas été battu, qui est, je crois, de 820 000 points, qui n'a jamais été battu, et donc lui, il se met en tête de vouloir le battre. Et en fait, ça raconte son ascension et ça raconte comment alors comment en fait l'actuel détenteur du record, donc Billy Mitchell, tente de saboter le record de ce mec-là. Et donc dedans, il y a toute une galerie de personnages comme Walter Day, qui est l'arbitre référent de l'association qui s'appelle Twin Galaxies, et qui est une organisation qui, depuis les années 80, officie rend officiel, voilà, on va dire, rend officiel les records à plein de jeux comme Galaga, comme King Kong, etc., etc., comme Qbert. À un moment, on va apprendre qu'il y a une vieille dame qui est championne de Qbert. Et en fait, voilà, elle officie, elle rend officielle les records. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, elle travaille avec, enfin, elle travaille depuis quelques années avec le Guinness des records. Et donc, en fait, ça va apporter de l'eau au moulin de Steve Wiebe qui va pouvoir battre ce record. Il va y avoir toute une galerie de personnages autour de lui, dont Billy Mitchell qui est un affreux personnage, en fait, qui est vraiment genre le méchant de n'importe quel film, genre, tu sais, genre les espèces de comédies où il y a le fils de riche qui fout des bâtons dans les roues au prolo, et ben là, c'est exactement pareil. C'est un enculé, en fait. C'est un type qui va tout faire pour que son record ne tombe pas. Et c'est un gars qui a une vie de winner, quoi. C'est-à-dire que voilà, Il mène de front ses affaires. Il a battu plein de records officiels. Il mène J'ai de du front ses affaires. succès dans mes affaires. Ouais, c'est ça. Dans mes amours, je suis souvent secrétaire. Là, c'est pas trop le cas, mais genre, voilà, il est marié à une meuf qui est une espèce de pin-up. Voilà, il a. C'est I'm the winner, mais quoi qu'il en coûte, quoi. C'était pour tricher, bah, j'ai triché quand même, tu vois. Et donc, bah, ce film est vraiment passionnant parce que on rencontre des gens qui sont touchants, pour certains, d'autres qui sont d'affreux enculés, dont, bah, et justement, c'est des gens qui vivent vraiment. C'est-à-dire que c'est ce qui est fou, c'est. Si on se dit, comme il dit Karim Debbache dans sa chronique, si on se dit que ces mecs-là sont joués, eh ben, même là, tu pourrais même pas y croire, tu vois. Et tout, et t'as plein de gens, genre, t'as l'arbitre technique qui s'appelle Robert Mrociek, qui est ils ont tous fait en plus des gueules incroyables, tu sais, on dirait vraiment les gens, je sais pas si vous aviez vu Revenge of the Nerd, en français ça s'appelait les tronches, c'est une espèce J'ai pas vu. des têtes typiques des années 80, genre les lunettes cul de bouteille avec certains ils ont les dents en avant, des trucs comme ça. Là, c'est des espèces de vieux geeks avec des genre la calvitie, tout, calvitie naissante qui essaie de cacher. Des grosses lunettes, etc. C'est le même type, quoi. En tout cas, Robert Mrociek, c'est exactement sa gueule, quoi. Et il se trouve que, alors, moi, j'ai vu ce documentaire que je trouve vraiment super, mais il se trouve que ce documentaire a servi de base à des poursuites judiciaires. Parce que, il semble que, en fait, comment dire, Walter Day, donc, qui est l'arbitre officiel, le référent officiel de Twin Galaxies, il a, dans les années 90, il a fait il a tenté le revival de cette association en partenariat avec Billy Mitchell. Et en fait, il se trouve qu'il y a plein de malversations qui se sont passées pour que Billy Mitchell garde son record, alors que dans les années 2000, le record de Billy Mitchell, il était déjà tombé, et que Walter Day ne l'a pas officialisé, et que donc Twin Galaxies et le Guinness des records a refusé de les officialiser. Et donc il y a comment dire, des gens qui des années plus tard, en fait, les gens qui étaient là à l'époque, donc Robert Mrociek, etc., tous ces mecs-là, ils se sont cassés au fur et à mesure que après la sortie King of Kong, en fait, beaucoup de ces gens-là se sont barrés. Ils ont dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon temps, je me casse. Et donc, du coup, les fondations sur lesquelles étaient bâties Twin Galaxies, elles se sont un peu fissurées. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à gueuler en disant, ben non, mais attendez, il y a certains des records, ils sont vraiment chelous. Et donc, en fait, ils ont fait tomber un record alors, je vais retrouver son nom, mais en fait, c'était à Draxer. Il y avait un mec qui affirmait qu'il avait battu que le record qu'il avait battu c'était 5,51, sauf que 5,51, alors qu'en fait c'est des gens qui ont décompilé le jeu et qui ont fait des calculs théoriques et qui se sont aperçus que ce n'est pas possible d'obtenir ce comment ça s'appelle ce score-là. Et donc on a exploité une faille du système. Ben, en fait, il y a des gens qui disent, bon, de deux choses l'une, ou le mec, il avait une carte de contrefaçon, et donc, du coup, c'est logique qu'il atteigne ce truc-là, ou alors le mec, il avait il y a eu un bug, et donc, le truc a affiché ça. Seulement, le problème, c'est que, il n'y a aucune trace pour pouvoir affirmer que ce record-là était, comment dire, était, officiel. Et donc, du coup, alors, je suis en train de le chercher, je vais retrouver ça. Et donc en fait ce comment dire, ces records-là ont commencé à tomber les uns derrière les autres et ils ont et donc du coup voilà, c'est le nom du mec, c'est Todd Rogers, voilà, Todd Rogers. Donc du coup ils ont commencé d'abord à faire tomber le record de Todd Rogers en l'effaçant complètement du livre, enfin des statuts de et Twin Galaxy et Guinness Book des Records. Ouais. Et, oui. Tu veux que je te dise, moi je oui. te dis tout ça c'est pas clair. Ben justement. La vérité est ailleurs, mon Io. C'est con. Non, mais en tout cas, voilà. Ils se sont basés aussi sur des rushs du documentaire pour pouvoir faire tomber, par exemple, le record de pour pouvoir effacer le record de Billy Mitchell. En lui disant, mais non, mais attendez, il y a déjà un mec qui a dit qu'il avait battu le record, et là, il y a le gars dans le documentaire, il a battu le record, donc il y a un souci. Et donc, ils se sont chargés de ça, et s'ensuit une bataille judiciaire entre le mec qui a repris Twin Galaxies, parce qu'il y a un gars qui a racheté Twin Galaxies, et Billy Mitchell et Walter Day, en disant, le mec qui se base sur un truc en disant simplement, vous m'avez vendu une entreprise avec des records, avec une trésorerie, etc., etc. Et là, j'arrive là, la trésorerie, elle est pas bonne et les records, ils sont tous faux. Et du coup, ils risquent gros. C'est-à-dire que avec s'en est suivi de ce documentaire-là, au bout de 10 ans, que les mecs qui ont soi-disant établi ces records, ben ils tombent tous les uns derrière les autres et que là, ils risquent très très gros parce que le patron qui s'est fait flouer, il demande carrément 6 millions de dollars. Voilà. D'accord. Et à partir d'un seul documentaire, quoi. Je trouvais ça fou, quoi. Donc, du coup, voilà. Ce documentaire, il est vraiment bon. C'est vraiment touchant. Kiwibi dedans, il est vraiment touchant. Et on sent vraiment, en regardant ce documentaire-là, qu'il y a un truc de pas net. Chez Twin Galaxies, il y a quelque chose de pas net. Mais du coup, tout ça, c'est l'histoire, tout ça et tout. Toi, c'est sur la manière dont est fait le documentaire, en fait, tu trouves que c'est fait de quelle manière? C'est-à-dire qu'en fait, il colle bien au personnage. On suit bien les gens. Enfin, Il n'y a pas un moment. En fait, c'est pas un documentaire qui se sépare en plusieurs. C'est pas quoi, t'as dit? C'est pas un documentaire qui se disperse. D'accord, c'est-à-dire c'est bien ordonné, ouais. Voilà, c'est bien ordonné. C'est-à-dire que on a un petit peu on a au départ une présentation des personnages. On a un petit peu de Walter Day qui désigne comme étant l'arbitre officiel. Mm-hmm. On a une présentation de Twin Galaxies avec l'arbitre technique, le référent officiel, etc., etc. Et après on a une galerie de personnages qui sont parallèles à ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a Steve Wiebe qui est le héros. Il y a Billy Mitchell, mais à un moment, on présente l'ennemi juré de Billy Mitchell, qui est un mec qui s'appelle Mr. Awesome, et qui est un gars qui, depuis des années, crie que Billy Mitchell est un enculé, et que ses records sont faux. Ça suit comme un film, en fait. Ça suit un peu comme un thriller ou un truc comme ça. Ouais, c'est un documentaire. Donc, oui, tout suit comme un truc. Il y a des fois, on peut se dire... Oui, mais je veux dire, tu le suis, parce que les documentaires, ils sont foutus de différentes manières. Tu le suis comme une histoire, ou tu le suis vraiment comme un truc qui va te montrer plusieurs choses diverses. Est-ce que tu le suis comme un thriller, par exemple? Parce que tel que tu décris, j'ai l'impression qu'on va découvrir des trucs petit à petit comme un thriller, quoi. Bah en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que les personnages on suit des personnages, il y a des rebondissements, c'est pas une enquête à proprement parler, mais il y a des rebondissements et tout. D'accord. Et du coup on est vraiment pris dans le truc, mais dès le départ le documentaire prend un parti pris. Il y a un parti pris dès le départ. On sait qui. D'accord, donc c'est orienté. Ok. Voilà, c'est très orienté. Par contre, ouais, ça, je peux pas me cacher que ça ne l'est pas. C'est très dommage. Voilà. mais par contre, quand tu finis le documentaire, mm-hmm. tu dis que ouais, non, Twin Galaxy, c'est sale. Il se passe quelque chose. Vraiment. Okay. Voilà. Donc moi, je vous invite à le regarder. et à vous faire votre opinion. Et il y a comme il y a une chaîne YouTube aussi qui parle après de ce qui s'est passé après. Je donnerai la référence à la fin parce que je crois que c'est je vais retrouver très très vite. Mais je vais retrouver très très vite. Mais c'est Carl Jobs, c'est la chaîne de Carl qui parle de justement tous ces records qui sont tombés et qui continuent à être officiels alors qu'ils sont tombés depuis des années quoi. Et voilà, c'est vraiment, regardez ce documentaire, il est vraiment cool. Voilà. D'accord. Okay. Right. Du coup, Nio, avec ta petite séance revival, là. Ah, il a vendu son documentaire comme un thriller. Ah, là. Alors moi, j'ai voulu me faire plaisir. Et justement, il y avait Hurlement de Joe Dante que j'avais pas revu depuis une éternité. Parce que je sais que j'ai vu en cassette. Donc en VHS, il y a très longtemps, mais voilà, VHS, comme on s'en doute, ça fait loin. Tu m'étonnes. Voilà. Hurlement, donc c'est le titre original, c'est The Howling de Joe Dante, 81. Il faut savoir que c'est Joe Dante, c'est quelqu'un qui dans sa carrière n'a pas eu de chance, parce qu'il a déjà un ton qui est très ironique et révérencieux, qui n'attire pas forcément le public américain, ni même les producteurs, etc. En fait, Joe Dante, il est beaucoup plus apprécié par les cinéphiles d'Europe. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les gros succès de Joe Dante, ça tient sur les doigts de la main. Ces deux gros succès, c'est juste Hurlement, justement, et Gremlins quelques années après. Donc voilà. Par la suite, tous ces films, même s'ils ont eu de bonnes critiques, comme L'Aventure Intérieure, Gremlins, etc., ça s'est planté. Ouais. Donc, oui, c'est... Donc, quelques mots sur notre ami Joe Dante, quand même. On va se faire plaisir. Joe Dante, c'est quelqu'un qui a fait une école de cinéma et qui tout de suite a commencé à écrire des chroniques de films et à monter des films. Et il est remarqué par un certain Roger Corman. Ça vous dit quelque chose? Oui. Pas du tout, je sais pas. Mon nom, que dalle. Oh. Voilà. Donc, et à qui il confie Roger Corman qu'il aimerait bien pouvoir faire des films, etc. Tout ça. Et Corman est séduit par le babou de Joe Dante, etc. Et il va lui offrir déjà 50 000 dollars, une petite somme rondelette, pour faire son premier film. Son premier film qui n'est pas Piranha. Attention, c'est encore autre chose. Son premier film s'appelle Hollywood Boulevard. Ah voilà. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Voilà, 75 Hollywood Boulevard. Après, par contre, en 77, Corman lui proposera Piranha. Piranha, bah, d'ailleurs, même avec un budget dérisoire, le film est tourné un an après, en 78, le film va quand même avoir un petit succès. Il y aura même une suite avec un certain James Cameron. Voilà. Donc voilà. Mais d'ailleurs, James Cameron, c'est marrant, quand on lui parle de Piranha 2, il fait « Ouais, mais vous savez, ce film, hein, j'en suis pas fier, mais vous le regardez avec des potes, avec de la bière, et tout à coup, ça passe beaucoup mieux. Hein. » Et, et le remake d'Aja aussi. Ouais. Bah, Ah, attends, je vais juste te dire un truc. Il passe quand même de conducteur de camtar à Réal en très peu de temps, James Cameron. James Cameron, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé en écurie Corman. Donc, quand tu fais un peu tous les petits boulots dans l'écurie Corman, ça t'aide quand même à être bien sur tous les postes, quoi. Complètement. Du coup, donc, Piranha, en 78, voilà. Donc, petit succès, etc. La carrière de Dom commence à démarrer un peu. Et il va donc commencer à plancher sur un film de loup-garou qui est Hurlement. Hurlement, donc comme j'ai dit, c'est un de ses deux grands succès. Le film est très bien accueilli en France et aux États-Unis. Et comme on connaît Joe Dante, c'est quelqu'un qui est quand même très intelligent, qui met plein de références cinéphiles, tout ça. C'est aussi un film où déjà, il y a sa pleine patte. Je me rappelle plus de Piranha. Enfin, si, je me rappelle juste d'une réplique dans Piranha où on disait « Monsieur, je crois que les clients sont en train d'être bouffés, etc. » ou je sais pas trop quoi, vers le milieu du film. Voilà, ça c'est tout à fait l'ironie de Dante. Dans Hurlement, c'est pas encore un côté ironique, humour noir aussi poussé que dans Gremlins et Gremlins 2, mais il y a quand même des moments, il n'y a pas sacrément dérangeants, mais qui ont dû déstabiliser le public américain et qui fonctionnent toujours encore totalement. En plus, Hurlement se paye un putain de casting. Déjà, voilà, Dee Wallace, qui joue l'héroïne. Dee Wallace, voilà, c'est à la fois la maman de la petite famille dans Critters, c'est la maman de la famille dans E.T., c'est Donna qui va se faire harceler par Cujo, le Saint-Bernard enragé. Enfin bon, fait une sacrée carrière dans les années 80, dans le fantastique, la science-fiction, etc. Avant, c'était plus discrète, mais de revenir dans les années 2000-2010 par brèche, par la télévision, par pas mal de séries, tout ça. Et du voilà, c'est encore actif. Elle a fait beaucoup de télé, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai Ben, surtout elle a vue dans pas. plein de télé après, mais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais sa période de. On la connaît dans plein de films dans les années 80, quoi. Voilà. Dans le casting, alors, dans le casting aussi, une énorme star, il y a Patrick Mcnee. Patrick Ah bah oui. Mcnee, comme Steve des Avengers, bordel. Bah ouais, bien sûr, James Keane. Et ouais. Il avait joué Ouais, aussi tout dans à fait. James Bond, je sais plus qui est celui de 85. Dans un moment Dangereusement votre, Mondé. eh ouais, dans un moment votre, il joue au Tibet, qui est l'un des contacts de James Bond, et bon, on va pas raconter l'histoire, mais encore un ami à Bond qui va se faire, vous dégouiller. Oh, je suis désolé, j'ai un peu révélé pour Ketou. Donc, Patrick, il y a Denis Dugan. Denis Dugan, je me disais, il me dit quelque chose. Oui, c'est quelqu'un qui a remonté sa carrière dans plein de comédies par la suite, etc. Donc, c'est plutôt un acteur de second rôle, tout ça. On a Christopher Stone. Ça, c'est intéressant. Christopher Stone, c'est un acteur qui est parti trop tôt, qui est parti en 95 à la cinquantaine. Mais c'est un acteur qu'on a vu aussi dans. Il retrouve Guy Wallace dans Cujo, justement. Et on va retrouver dans Les Tiges Fantastiques. Et sa tête me disait. Je me demande si je l'ai pas vu chez John Carpenter aussi, parce qu'il a une moustache. Vas-y, Nelson, moustache. Moustache. Je ne suis pas Nelson. Je Voilà, moustache, alors. mais j'ai pas entendu ça, du coupé. Ah. Et Désolé. on retrouve justement des habitués de l'univers de Joe Dante. C'est, en gros, c'est un peu les mecs qui vont sur ses premiers films, et ça va être des fidèles du réalisateur qu'on va retrouver par quasiment toute sa filmographie. Donc, il y a Dick Miller. Dick Miller, c'est Monsieur Futterman dans Gremlins. Voilà, le mec qui râle, etc., qui ne reçoit pas la télé, qui fait des produits qui sont pas fabriqués en Amérique, etc. L'Américain Ouais, typique de toute splendeur, qui va se faire massacrer au bulldozer sa maison par les gamins. qui va beaucoup jouer qui a beaucoup joué pour les productions Corman. Oui, aussi. Même dans l'un des derniers films dans les derniers films de Dante, comme The Hole ou Blowing the Ex, il fait un petit rôle. Ouais. C'est marrant. Jusqu'à la fin, alors que Dick Miller nous a quittés en 2019. Maintenant, Ouais, si voilà, si Joe Dante refait un film au cinéma ou en VOD, je sais pas si on trouvera tous ses acteurs favoris. c'est sûr, et je le confondais en plus beaucoup avec Harry Stanton en plus. T'as Il pas la joue même beaucoup, gueule à chaque ils fois. ont une gueule qui est pas si éloignée, quoi. C'est Ouais, voilà, des gueules du c'est. cinéma qui, ça fait plaisir de les retrouver, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc Hurlement de Joe Dante, on le retrouve aussi par exemple dans le segment de la quatrième dimension, qui est un film à sketch où Joe Dante participe sous l'écurie Spielberg. Voilà, nous avons Gremlins, nous avons L'Aventure intérieure, même qui fait un petit caméo Terminator. Terminator dans certains James Cameron qui a travaillé avec Corman. Comme quoi, comme on dit, tout se rejoint. Ouais, c'est trop bon. Voilà. Là, chez Joe Dante, dans Hurlement, il joue le libraire qui va vendre des trucs de documentation sur les loups-garous au couple de journalistes qui travaillent à la télé en tant qu'héroïne. Nous avons autre pointure dans le genre, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, attention, c'est celui qui donnait l'alerte, c'était le lanceur d'alerte dans l'invasion des profanateurs de sépultures, le film de 58. Ah ouais. Oh la vache, Et oui. oui, mais attention, il revient dans le film de 78, l'invasion des profanateurs de sépultures, c'est lui qui donne dès le début du film l'alerte en courant dans les rues, etc., il va se faire attraper par la foule sous les yeux horrifiés de Donald Sutherland et de sa copine. On le retrouve aussi dans L'Aventure intérieure, de Joe Dante aussi, c'est pas un hasard, il joue un des méchants. C'est génial. Donc voilà, c'est à chaque fois il va retravailler un peu avec Dante. C'est une figure pas paternelle, mais c'est un pote à Dante. On retrouve Belinda Balaski. Alors ça c'est une actrice qu'on a un peu oubliée parce qu'en fait elle a mis sa carrière en pause à la fin des années 90 et il y a un trou. On la retrouve juste en 2001-2018. Elle commence à revenir un petit peu. Mais sinon on la retrouve, c'est pas un hasard, dans Gremlins. Dans Hurlement, dans Small Soldier, donc encore d'autres films de Joe Dante, c'est une habituée aussi, c'est une pote à Joe Dante, voilà. Enfin, j'ai pas fini encore avec le casting, on a Robert Picardo. Robert Picardo, vous vous souvenez, c'est le cow-boy dans L'Aventure intérieure. Eh oui! Oh là. Ah ouais. Eh ouais! Il fera d'ailleurs des petits rôles aussi dans Star Trek, c'est lui qui joue le docteur holographique dans Star Trek, dans les films mais la série, dans Star Trek Premier Contact, dans Star Trek Voyager. Ouais. Et donc là, on le trouve dans Hurlement. Et lui, par contre, il n'est jamais arrêté. Il fait pas mal de gros rôles, etc. Des petits rôles, il continue. Même dans le téléfilm de Joe Dante, de la Seconde Guerre de Sécession 97, on le voit, il apparaît un instant. C'est voilà, c'est la bande de potes de Joe Dante. Et ça fait plaisir de voir ça. En fait, dans le casting, si on retire un peu les deux têtes importantes, surtout Kevin McCarthy, donc le dieu de la veille, dieu de la vieille, qui ici joue un présentateur de télé, et Dee Wallace, l'héroïne, qui sont les vraiment les plus connus. Et oui, Patrick Magny aussi, même s'il a un second rôle, Patrick Magny, notre cher aventurier, qui ici tient une scène clinique. Donc l'histoire sans surprise, je vais la relater un petit peu. Enfin, je pense que vous avez tous vu le film, mais on va relater pour nos pour ceux qui nous écoutent et qui l'ont pas, qui l'ont jamais vu. Il y a une journaliste donc qui est jouée par Dee Wallace, Karen, qui est sur la piste d'un serial killer et elle cherche à l'arrêter ou à l'interviewer. C'est pas très clair, mais disons que le tueur joue un jeu avec elle et lui donne rendez-vous. Donc elle est suivie par l'équipe de télé, etc. À distance, elle a un micro sur elle. Elle voit même un signe dans une cabine téléphonique. Il l'appelle, etc. Et petit caméo de Roger Corman qui rentre dans la cabine téléphonique juste 2 3 secondes après. il se donne rendez-vous dans un cinéma pornographique. Sauf que dans le cinéma pornographique, elle le voit pas, il est derrière lui. Elle l'entend par contre, entend des bruits bizarres. Elle va se retourner et là après, elle se souvient plus, il y a un blanc. Elle a juste été traumatisée parce qu'elle a vu, s'est passé quelque chose. Et les policiers sont arrivés, ils ont abattu le Eddie en question. Eddie qui à chaque fois ça marque, et ça c'est encore le clin d'œil du génie de Joe Dante. Enfin, quand il finit des crimes, etc., ou quand on était chez lui, son endroit, il y a toujours un autocollant, un smiley, qui était collé quelque part. Et ça, dans Gremlins, il y aura un clin d'œil. Le frigo de Billy dans Gremlins, il y a un smiley autocollant qui est le même que dans Hurlement. Et le cinéma que où les Gremlins vont voir Blanche-Neige, eh ben, il y a des photos de Hurlement, de Joe Dante dans ce cinéma. Ça, c'est génial, mais toutes les connexions, etc. Et donc, elle est traumatisée par ce qui s'est passé. En plus, une perte de la mémoire, il y a un gros choc. Et le docteur Wegener, qui est joué par Patrick Magny, lui suggère d'aller justement dans son centre hospitalier, passer des vacances, se retirer un peu du monde moderne, une espèce de petite colonie un peu si ouvertement. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans cette colonie, entre guillemets, ben en fait, il y a plusieurs loups-garous. Si ça se trouve, si ça se trouve quand même, le titre, la colonie, c'est vraiment un sens à prendre au sens propre. C'est vraiment une colonie de loups-garous. Et si Karen ne le sait pas, le spectateur commence à ne plus être trop dupe au bout d'une demi-heure, quoi. Et il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il y a un suspense qui persiste. Et même les effets spéciaux du film sont encore très bien, n'ont pas vieilli. Alors, les effets spéciaux ne sont pas signés par la pointure du genre. La pointure du genre, vous me dites de qui je veux parler, c'est Rob Bottin. Ce n'est pas Rob Bottin. C'est pas Stan Winston? Non, non, non, non, non. Et, alors, ils sont tous côté des effets spéciaux. Il y a Doug Bezouille, Roger George, Jeff Chang. Ah, Jeff Chang, oui. Jeff Chang, Ken King, Douglas Vaughan, Eric Dansen, toute une équipe. Mais voilà, Rob Bottin, il était sur un certain The Thing à la même période. En même temps, Rob Bottin, il y a un Rob Bottin qui est producteur associé. Donc, je pense qu'il a peut-être dû donner des conseils aux effets spéciaux. Voilà. Et n'oublions pas que, voilà, dans les films de loups-garous qui sont réussis, ça se compte sur les doigts de la main, il y a celui-ci, Hurlement, et il y a un certain loup-garou de Londres, qui lui, comme les effets spéciaux, sont hallucinants. Mais les effets spéciaux de Hurlement, ça m'a surpris, ils tiennent encore bien la route, quoi. C'est bien foutu, c'est bien filmé, toute une affaire de montage, de bruit son, de bruit de son, etc. De ce que tu vois à l'écran en accéléré, trucage fait à l'ancienne, et surtout, les loups-garous en question n'interviennent pas tout de suite dès la première demi-heure du film. On voit vraiment un loup-garou en entier qu'au milieu, voire aux 3 quarts du film. Donc, il a retenu la leçon des Dents de la Mer, il ne va pas montrer la créature tout de suite. Et du coup, même si on peut penser que les effets spéciaux sont un petit peu kitsch par moment, ça a quand même très bien vieilli et les loups-garous, ils ont quand même de la gueule, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas c'est oui, il y a quand même, c'est pas un animal, quoi. Ça va. Oh, Pas un animal, quoi. c'est 200 pas Alors, et en plus, on se pose tout d'une musique de Pino Donaggio, qui est un vétéran de la musique du film, qui est voilà, quelqu'un d'important aussi, et ça fait plaisir, quoi. C'est j'avais dit Rob Bottin, mais on a quand même Rick Baker aux effets spéciaux. Ah oui, J'étais quand même. persuadé que c'était Stan Winston. What? Ah, j'étais persuadé que c'était Stan Winston. Non, non, bah, on parle de pointure. On a tendance à parler souvent de Stan Winston, parce que lui, c'est un géant pour tout ce qui est animatronique, tout ça. On a tendance à parler de Rob Bottin aussi. Mais voilà, Rick Baker, quoi, quand même. Merde. La planète des singes, bon, le film 2001. Les X-Men, voilà. Au-delà du réel, ah oui, tiens, au-delà du réel, l'Empire contre-attaque, bah oui, quand Enfin, même. Rick Baker, c'est surtout pour le maquillage. Après, les effets spéciaux, c'est encore. Enfin, enfin, disons qu'il y a au département effets spéciaux, il y a tout ce qui est effets mécaniques, etc. Lui, c'est plus spécialisé sur le maquillage. C'est ça, mais c'est quand même, quand tu te rappelles ces maquillages, etc., c'est quand même un cran supérieur à pas mal de trucs, quoi. Ah C'est. Voilà. Non, c'est voilà, ça fait plaisir. On voit pas mal de talents réunis pour faire un bon film de série B qui a bien vieilli, qui reste toujours surprenant, qui sait manier à la fois le côté inquiétant, parce que quand même des passages qui montrent ça à des gamins, etc. Je pense que ça me ferait quand même fonctionner fait. Même moi, j'ai pas eu peur, mais j'ai quand même été surpris par par certaines attaques des loups-garous qui sont quand même assez violentes. Enfin, c'est vrai, ça fait plaisir. Maintenant, et même de Dante n'hésite pas à, voilà, quand il faut faire disparaître un acteur ou une actrice que tu crois que c'est il va rester jusqu'à la fin, bah hop, il va s'en débarrasser. Donc voilà, non, c'est ça fait plaisir, quoi. C'est, je me suis fait plaisir, ça reste un classique du cinéma qui casse un très bon film. Voilà. D'accord. Ok. Je me suis un peu étalé, je suis désolé. Bah écoute, on va rester dans les petites bébêtes, puisque moi je vais vous parler de shading de Jack Thomas. Ouais. Shading qui veut dire perte. Quelle année, c'est tout? C'est de 2019, voilà. Qui veut dire perte. C'est un film qui a été filmé à l'iPhone. iPhone? Ouais. Un peu comme Spielberg. Oui. Ah, tu veux dire le, je sais plus comment ça Le s'appelait là-bas. paranoïa Spielberg, ouais. Le celui avec Claire Foy, c'est ça? Ouais, qui avait été filmé avec soit Paranoïaque, l'iPhone. voilà, paranoïaque. Il avait parlé dans une minute new. Ta ta ta ta ta ta Exactement. ouais, voilà, dans ce truc-là. Après, on sent qu'il avait pas, je me souviens plus pour paranoïaque, mais là, clairement, il y a pas de matos son. Hein. Je veux dire, c'est du film indé pur pur, quoi. Le mec, tu vois la prod, c'est sa femme, hein, donc c'est pas, faut pas chercher plus loin. Alors, je vous fais l'histoire. C'est un jour, un chat devient humain, part de chez lui et fait la rencontre d'une femme qui a perdu son fils dont il est le portrait craché. Oh. Voilà. Alors le film, il est assez contemplatif. D'abord, on contemple la vie du chat dans sa vie, voilà, la vie dont qui se limite bah, à rien foutre, à jouer à son avec son poteau chat, La vie est belle. voilà, baver devant les pigeons et regarder à la fenêtre comme une petite vieille, quoi. Nelson, ça. Et ensuite, donc il y a un côté mystique, un peu magique, mais sans aucun effet. C'est-à-dire que les choses se passent. On le voit pas se transformer en chat. On voit le moment où il se transforme, ça, tu as un plan sur des poils sur le parquet qui s'en vont au vent, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est les choses se passent plus simplement du monde, point, quoi. Bah sans doute du coup à cause du budget, parce que bon, comme je l'ai dit, déjà on n'a pas de son, donc c'est quand même un signe qu'il n'y a rien, quoi. Mais du coup, ça participe à apporter vachement de pudeur au film. Comme le fait que le chat, bah, une fois humain, il se balade à poil, mais on voit jamais rien d'explicite. De la pudeur, quoi. Nul besoin d'en montrer, on sait qu'il est nu, tu vois, au final, hein, c'est pas gênant. Ou quand. Bientôt, ça se Oui? passe où ce comment Ça se dire passe aux ce... États-Unis. Ça se passe aux Ah d'accord, je pensais États-Unis. que ça se passait à Téhéran, ce genre c'était le chat d'Iran. Super. Super. Donc Oula. je vais continuer, hein. Donc on sait qu'il est nu. Donc voilà, comme pareil quand budget oblige, quand la mère, donc la femme qui rencontre, quand la mère force un cadenas de porte, ça se passe hors champ. Mais c'est absolument pas gênant, ça. La manière dont c'est fait, la manière dont c'est monté, bon, c'est pas gênant. C'est juste de la pudeur, tout ça, en fait. Comme il y a déjà de la pudeur, en fait, tout ce qui se passe hors champ n'est pas non plus gênant parce qu'on, voilà, on s'est intégré. C'est finalement suffisamment cohérent, quoi. Ou comme avec la rencontre avec cette femme, on saura finalement quel est le problème, en fait. Que par rapport à cette femme-là et son fils, qu'avec l'intervention de la fille de celle-ci. C'est-à-dire que même si avant cela, il y a des interactions où on voit la mère accueillir le personnage et tenter une connexion avec lui, quoi. Malgré tout, on saura exactement ce qu'il en est une fois qu'il y a l'intervention avec la fille. D'ailleurs, il y a une scène en fait assez mignonne parce que finalement, quand elle finit par le ramener chez lui, tout ça, chez elle, et il mange une glace et en fait, c'est très mignon parce que tu sens la connexion, puis tu sens en même temps que c'est voilà, on sent toute la délicatesse de la mère qui essaye d'avoir cette connexion avec lui, quoi. Après, dans la manière de filmer, en fait, il y a des contraintes. Le budget, forcément, donc de pas montrer le personnage nu, parce que voilà, le montrer nu dans la rue, si tu veux, ça attirait forcément l'attention. Donc je pense qu'en réalité, il devait avoir son pute, hein. Et du coup, en fait, dans cette volonté de vouloir être contemplatif, du coup, on a pas mal de gros plans, en fait, au début. Et puis, à mesure que le personnage il s'ouvre à la découverte de l'extérieur, les plans deviennent plus diverses et larges. Mais il n'y a jamais de plan vraiment large, quoi. C'est-à-dire que c'est là que tu sens qu'à mon avis, tu vois, c'est les aspects typiques du film tourné à l'arrache sans aucune autorisation. Mais d'ailleurs, oui, en fait, comme c'est tourné à l'iPhone, les actions en plus n'étant pas hyper grandiloquentes, tu vois, c'est voilà, t'as le personnage là, t'as le personnage là. Ouais, et tout à fait envisageable que ce soit le cas, hein, que je veux dire, c'est le tournage a dû se faire sûrement très discrètement, quoi. Et malgré cet aspect contemplatif et ses contraintes, en fait, on a un film qui est assez hypnotisant, qui est assez délicat et dont l'humanité des personnages transparaît. Il y a l'acteur qui joue le chat en fait est plutôt investi comme le reste du casting et en réalité malgré le côté cheap en fait on n'a pas l'impression en fait que l'auteur du film le traite comme un film cheap. Parce que tu sais quand en fait on dit souvent que le chat en fait quand il perçoit quand on va mal il vient apporter du réconfort et par le simple rendement, ça, il fait qu'on a mieux. Bien, c'est ça l'histoire en fait. C'est la tranche de vie d'un chat en fait qui voit une femme à la fenêtre et perçoit qu'elle va mal et du coup se transforme en humain et il y a besoin qu'il se transforme en humain pour faire en sorte qu'elle aille mieux quoi. Et ce film à mon avis c'est sûrement c'est juste une interprétation c'est sûrement la déclaration d'amour à son chat en fait au réa parce que d'ailleurs puisqu'il le filme très bien d'ailleurs il filme très bien ce chat en fait on sent qu'il a vraiment peu de temps et d'ailleurs il s'agit jamais du maître en fait on ne le voit jamais juste ses pieds ou de dos et c'est sûrement le réa à mon avis hein, parce que bon le réa il a pas fait énormément de trucs, tu vois. L'acteur, si, hein, enfin, il a fait, si, non. Ça fait un moment qu'il tourne, mais il a fait surtout des courts-métrages. Il a fait un ou deux rôles dans des, ouais, des longs, mais c'est jamais des trucs connus, hein. Idem pour celle qui fait la mère. Elle a fait de la télévision, dans des trucs que. Elle a fait, ouais, la mère, elle jouait quand même dans des séries un peu connues, mais rapides, dans des trucs genre Drop Dead Diva ou Pretty Little Liars ou même Les Feux de l'amour, mais elle a pas dû faire des trucs énormes, tu vois. Après sur le réa, oui, c'est, enfin, lui, il a fait écrit quelques trucs, surtout des courts-métrages, et je pense à mon avis que je pense qu'il est amené à faire des trucs plus importants par la suite parce que. J'ai vu deux trois articles sur ce film-là, et voilà, je pense qu'il est au début de sa carrière, voilà. Donc, et puis je lui dis à la prod, c'est sa femme. Lui, il a fait la réalisation, la photographie, le scénario, il est partout. Donc voilà, c'est du film fait maison, quoi, mais qui est assez mignon, qui est assez sympathique, et voilà. Voilà, voilà. Il est visible où? Il est visible, je sais pas où est-ce qu'il est visible parce qu'il n'est pas sorti chez nous et c'est un petit truc, voilà. Donc, c'est quand vous pouvez le trouver, si jamais il vient être visible plus facilement, allez-y. En gros, c'est ça. Et donc voilà. Donc, changement d'ambiance. Deux salles, deux ambiances. Predator 2 avec Neo! Comme disait Schwarzenegger dans le premier film, lui, il n'a pas une gueule de porte-bonheur, hein. Après un petit minou qu'on veut adopter et puis un prédateur, ça va coûter des frais tout ça. T'as vu ça? Alors, Predator 2, j'étais content de le revoir aussi. Enfin bon, le plaisir n'est pas autant partagé que Hurlement. Hurlement, je tripais complètement. Predator 2, j'étais quand même content de le revoir, mais pas au même niveau. Mais ça fait quand même plaisir de le revoir parce que quand je vois les avis sur le film qui le démontrent en disant oh, c'est un navet, etc., etc., non. J'ai envie de dire, c'est un bon film, il y a de bonnes idées, elles sont pas forcément exploitées à fond. D'ailleurs, Nelson nous en reparlera un peu tout à l'heure. Mais il faut pas non plus gâcher son plaisir. Le film a l'intelligence d'essayer de faire évoluer un peu l'histoire du Predator. Déjà, le cadre du film, donc, c'est la ville de la jungle, mais on passe d'une jungle naturelle à une jungle urbaine. Donc, c'est... Ouais, voilà, comme dirait l'autre, bon, bientôt, Predator 3, on attend le Predator à la plage. Non, c'est intéressant. Hein. Par exemple, il y a une scène dans le film où il y a un abattoir où le prédateur vient se nourrir tranquillement en viande, tout ça, où ils vont essayer de le piéger. Il y a des dialogues qui disent que ils ont conscience qu'il y a un premier film qui a eu deux survivants, etc. On doute que c'est... Bon, voilà, quand on a vu Predator 1, je vais pas spoiler. Et du coup, dans le deuxième film, donc ils savent que le prédateur existe. On voit les fédéraux qui essaient d'arriver, etc., essayer de le capturer, avec tout un truc impressionnant. Mais même en ayant étudié la bête, ils vont quand même se planter parce que on n'attrape pas un chasseur qui a beaucoup d'expérience, des millénaires d'expérience comme ça aussi facilement. La séquence de l'abattoir, elle est, même si elle est, j'ai envie de dire, c'est dommage que Stephen Hopkins ne sache pas filmer l'action correctement, etc., parce que la séquence de l'abattoir, elle est très réussie, tout ça. Il aurait fallu un montage plus péchu par moment sur Predator 2, beaucoup plus percutant pour obtenir un très grand film. Du coup, Predator 2, le casting, ah bah là, ils se sont fait plaisir aussi, hein, Stephen Hopkins. Alors déjà, Stephen Hopkins, quelques mots sur lui, c'est... Alors, De Dante a eu un peu plus de chance sa carrière. Stephen Hopkins, lui, on va dire qu'il a eu beaucoup moins de chance. Il a fait des films, mais voilà, Lost in Space. Était-ce une bonne idée de tourner Perdu en l'espace, la nouvelle version en 99, qui est pas terrible, voilà. On va le dire clairement, pas terrible. Je ne sais pas si c'était un bon choix, voilà. Il a quand même fait Freddy 5, mais Freddy 5, Est-ce que c'est c'est... un bon choix aussi? Pardon? J'ai dit, mais Freddy 5, est-ce que c'est un bon choix aussi? Bah, c'est pas le pire des Freddy, quoi. Oh, je sais pas. Beaucoup de gens tapent sur Freddy 2, le deuxième Freddy. Moi, j'ai trouvé pas mal le deuxième Freddy. Mais le 4 et le 5, j'ai trouvé un peu faible. Un peu faible, un peu. Donc, après, les Freddy, je vais pas dire qu'il y a des films à jeter à la poubelle. Je trouve que le 1 et le 3 sont très bons, je trouve. Ça, c'est les plus imaginatifs. J'aime beaucoup quand Freddy revient à la charge avec le 7. Wes Craven reprend un peu les commandes après le premier film qu'il avait signé. Et voilà, non, les Freddy, voilà, bon, Freddy 5, donc, c'est le début de la carrière de Hopkins, c'est pas dégueu. Predator 2, ensuite, il passe un peu à la vitesse supérieure, 90. Tu te doutes qu'avec le budget, ça va être quand même une autre chose, quoi. Passe de New Line C'est clair. Pictures à la Fox. Ah, oui, malheureusement. Bah, si. Non, poursuis, j'en Il associe un film qui est pas dégueu, qui s'appelle L'ombre et la proie. Qu'on a un peu tendance à oublier, L'ombre et la proie, avec un certain Michael Douglas et puis un Val Kilmer. Film d'aventure un peu qui se déroule en Afrique, etc. Dans la droite lignée un peu du chasseur noir cœur blanc de Eastwood. Ouais, il y a des petits bruits là, je ne sais pas d'où ça vient. Excuse-moi, c'est une porte qui se ferme, en fait, ça grince, c'est pour ça. Attends, je vais couper mon micro. Désolé, désolé. Donc voilà. Donc voilà, et puis Stephen Hawking, par la suite, il va faire quoi? On va en trouver pas mal dans les séries télé. Toute une saison de 24 heures chrono, presque, à la même époque où il fait l'ombre à la proie, et dans l'espace, C'est 24 heures chrono, Legacy, qui fera en 2017, il fera deux épisodes, 1 et 2. Legacy, quand même, hein. C'est-à-dire que la suite de la série de base. Ouais, bah écoute, après, il fait pas mal que des films. Il a fait l'épisode de House of Lies, une espèce de... Le Fugitif en série télé en 2020, je sais pas ce que c'est, si c'est un remake ou une nouvelle série du Fugitif basée sur le film avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones, et ça a l'air d'être ça en plus. Ça dit le moi Peter Sellers qu'il avait fait, moi je l'avais trouvé sympathique, hein. Le quoi, le quoi? Moi, Peter Sellers, avec Geoffrey Rush. Ouais, mais il y a même les châtiments qui se regardent, les châtiments en 2007 avec Hilary Swank. Mais voilà, quoi, c'est. Il a des. Bah, bon, il se fait plaisir, quoi. On va dire que c'est un honnête artisan du cinéma, quoi. Il a pas tendance, il a pas forcément une patte reconnaissable comme Joe Dante. Il y a même récemment, il a fait un téléfilm de la Tour Sombre. Rien à voir avec le film qui s'est vautré, qui est le film tout récent, qui était sorti au cinéma, qui est Burn. Voilà. Là, c'est un truc où on retrouve Michael Rooker. Il y a Michael Rooker, Dark Tower, un petit téléfilm. Là, je serais curieux. Je suis vraiment très, très, très curieux. Donc, Predator 2, on a parlé du réalisateur. On va parler maintenant du casting. Comme je disais, un peu comme Hurlement, il y a aussi un sacré putain de casting aussi, qu'on s'en rend pas compte. Bon, alors déjà, le Predator, c'est Kevin Peter Hall qui rempile à nouveau, comme pour le premier film, pour le rôle du Predator. Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui faisait 2 mètres, qui est un ancien basketteur, qui avait quand même la carrure pour jouer des créatures de longue taille. C'est aussi lui qui faisait par exemple le Bigfoot, dans Bigfoot et Anderson, quoi. Habitué au rôle vraiment de créatures, créatures de grande taille, et qui nous quittera trop vite, à peine à la trentaine, à cause du sida. Bon. Nous avons Danny Glover. Ah, Danny Glover. Est-il nécessaire de présenter encore Danny Glover? Donc on me dira, Danny Glover, c'est l'arme fatale. Oui, mais il n'a pas fait que ça. Donc voilà, Danny Glover. Il a fait quand même une carrière assez intéressante dans les années 80, Danny Glover, où il se pose vraiment dans le film d'action. Voilà, nous, on va pas oublier, par exemple, bon, il y a ce film, il y a les larmes fatales, 1, 2, 3, 4, etc., des poussières. Nous avons 48 heures, si je ne me trompe pas. Verado. Verado, le western. Non. Bon. La famille Tenenbaum. Ah oui. Donc, Danny Glover, voilà, bon, inutile de vous présenter. Maintenant, Danny Glover, il présente le documentaire, tout ça, il prend des trucs, il s'amuse. Il a encore un petit rôle, de temps en temps, c'est le plaisir. Ouais, mais je crois que je l'ai vu dans une sous-prod pas terrible. Je crois que c'était un truc, je sais plus si c'était un truc de momie ou je sais pas quoi. Enfin bon, je pense que maintenant il s'en fout, il fait ses trucs tranquillou, quoi. C'est ça. Il a même un petit rôle dans Jumanji, The Next Level en 2019. Donc voilà, il se fait plaisir. Nous avons Gary Buzet. Gary Buzet, ah. c'est une tête de second rôle. Et comme par hasard, on le retrouve dans L'Arme Fatale, aux côtés de notre cher Danny Glover. Il est aussi dans Point Break, dans Piège en haute mer, tout ça, Ouais, etc. c'est l'agent papa dans Point Break. Et à l'époque, je croyais, je me gourais souvent, je disais que dans Predator 2, c'était Nick Nolte, alors qu'en fait, c'était Gary Busey, je me gourais à chaque fois. Mais ouais, j'ai cru ça aussi. Il a vraiment une gueule qui ressemble, quoi. C'est hallucinant. C'est vrai. Nous avons le regretté, parce que c'est un acteur qui était cher à notre cœur, Bill Paxton. Ouais, pas de Bordé. ouais. Bill Ah Paxton, ouais. le seul qui à la fois s'est fait buter par un alien, par un Terminator et un Predator. Ah ouais. Voilà. Et qui est aussi le réalisateur de ce film incroyable qui s'appelle L'Emprise. Ouais, et qui a aussi le rôle de Chet dans Une créature de rêve, The News. Ah oui, tout à fait, à 85. Voilà, donc bah pour moi ça restera toujours le rôle, son meilleur rôle pour moi ça sera toujours Severin dans Aux frontières de la nuit, Near Dark. Mais voilà, je pensais pas que t'allais en parler. Je me suis dit, comment ça se fait, il oublie. Mais non, ça va. Mais non, non, non, non, non. Attends, c'est l'un des vampires les plus vicieux et féroces que tu vois à l'image, quoi. Twilight n'a qu'à bien se tenir à côté, c'est morose, Twilight. C'est des flics qui brillent, des vampires qui brillent dans le noir, hein, je suis désolé. Donc voilà, Bill Paxton, quoi, c'est. Là, il joue un privé qui est embauché dans l'équipe de Danny Glover. Il n'arrête pas de se la péter. Et, ah, mais petit cœur sur les doigts, là. C'est des likes. Faites péter les likes Facebook, quoi, pour Bill Paxton, quoi, merde. Voilà. Nous avons Adam Baldwin. Adam Baldwin, c'est un des frères Baldwin, un énième frère Baldwin. Pas le plus connu, comparé à Alec, par exemple. Qui joue dans Full Metal Jacket, qui joue dans Le Patriote, Mutant, etc. Ouais, bon. Lui, c'est souvent du rôle, tout ça, etc. Et nous avons. Alors, Et attends, je crois que Adam Baldwin. Ah non, c'est pas celui-là. Attends, non, non, mais c'est. Attends. Adam Baldwin? Ouais. Non, non, parce qu'en fait, il y en avait un autre. Putain. Alors, je confonds avec Stephen Baldwin, en fait. Non, Adam Baldwin, t'es sûr que c'est un des frères Baldwin, ça? Je sais pas, ce serait rigolo, c'est un peu comme le clan Skarsgård où ils ont Non, tous les. non, non, non, je crois que c'est. Non, non. Non, non, c'est pas un des frères Baldwin, ça. Non, non. Lui, c'est un mec qui a fait beaucoup de télé, etc., etc. Brice Mérez. Non, la confusion est louable aussi parce que bon, on sait jamais, des fois on en ressort un. Mais non, Dan Baldwin, il jouait dans la série Chuck, et qui est une série qui avait vachement marché. Mais non, je me suis posé la question aussi justement à l'époque de la série. Donc, Il y a Robert Davi qui voit sa gueule, tu te dis, oui, il va jouer des rôles de méchants. Showgirls. Ah ouais, non, je pensais qu'il joue dans Piège de Cristal ou les Goonies, quoi. Ou Permis de tuer, tiens, on parlait de James Bond, tiens, rebondir pour faire James Dans Bond. Showgirls, c'est lui qui fait le patron du premier strip, club de strip où elle joue, en fait. Ben, il a la gueule du mec qui confond que tu peux passer un mauvais quart d'heure avec lui, quoi. C'est Et incroyable. la C'est série un modèle d'impôt, Profiler quoi. aussi. Et la série Profiler aussi, je crois. Ah, Oui. La ah celle, oui, la des, deux, voilà. celle qui passait dans la trilogie du samedi, hein, pas le truc de je sais plus quoi, profilage, machin, non, c'est celle qui passait dans la trilogie du samedi. Donc voilà, un petit casting qui est pas dégueu non plus, quoi, pour le film. Alors, comme j'ai un peu évoqué plus tôt, il y a des bonnes idées dans le film et des moments où ça passe un peu moins bien. Donc, par contre, je vais parler des bonnes idées. Je pense que Nelson développera un peu plus ses moyens où ça passe moins bien. Moi, j'ai cité, par exemple, la mise en scène. Mais alors, du coup, dans les bonnes idées, comme j'ai dit plus tôt, voilà, on tient compte qu'il y a eu un premier film, on essaie de faire évoluer l'intrigue, tout ça. Donc, les fédéraux sont au courant qu'il y a une créature qui a semé le boxon en Amérique du Sud, etc., qui s'appelle le Predator. Ils sont sur le terrain, d'ailleurs. Des moments qui sont assez kitsch dans Predator 2, je sais pas si c'est voulu ou non, mais le gang des Jamaïcains, waouh, wow. Des moments qui aussi Ouais, entre le what the fuck et bon, ou même les fédéraux qui débarquent avec des lunettes noires, etc., un peu façon Men in Black, tu te dis, tu filmes ça au ralenti, ça devient du gag. c'est ça. Voilà. En fait, le film aussi tout le temps entre l'action et essaye de trouver un temps un peu plus humoristique. Sans forcément y arriver, quoi. On citera aussi le fait qu'il n'y a plus l'effet de surprise, comme dans le premier, le Predator, quand il est là, on moufte pas, hein, voilà. Il n'y a plus l'effet de surprise. Par contre, on a gardé le côté extrêmement violent du Predator, là, qui est carrément une machine à tuer, comme dans le premier, ça fait assez plaisir. Dans le premier, on se souvient, je suis désolé, je vais spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu le film, on se souvient un peu des techniques que Schwarzenegger mettait en place vers le milieu du film, etc., pour échapper au Predator. Là, il y a quelque chose de similaire qui est repris dans la séquence de l'abattoir, qui est voilà, ça fait plaisir de voir que ce deuxième volet tient compte du premier et essaie d'évoluer dans une direction. Pareil pour le final, avec la base entre guillemets du Predator, etc. Et même le trophée que Danny Glover reçoit, j'en dis pas plus. Voilà, il y a pas mal de pistes développées, etc. Tout ça. Et avec le recul, quand tu regardes Predator 1 et 2. Et que tu vois ce qui a suivi, tu te dis, mais putain, arrêtez vos remakes, reprises, etc. Faites-nous une vraie suite qui tient compte des deux premiers volets, etc. Je m'en fous qu'il y ait des clins d'œil. L'histoire, il y a suffisamment de pistes qui ont été posées dans les deux premiers films. Quand tu vois Predators avec Adrien Brody, oui. Ouais. Predators, mais Oh la putain, cata! Oh la cata! voilà, enfin, voilà. Et quand tu vois The Predator avec Shane Black qui tourne, moi j'étais horrifié pendant tout le film, je me dis, mais c'est pas possible, putain. Combien de temps vous allez encore vous planter en n'ayant même pas vu les deux premiers films, en n'essayant même pas essayer de les avoir compris? Ah, c'est rageant, même si Predator 2 n'arrive pas au niveau du premier film, et même dans Predator 2, quand le Predator se fait déchiqueter le bras par Danny Glover, il commence à enclencher la fameuse machine à son poignet avec le compte à rebours qu'on a vu dans le premier film. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Donc là, en tant que spectateur, on se dit, merde, il a tout faire péter, etc. Tout ça. Et il arrive, Danny Glover arrive à lui faire péter le compte à rebours, la machine qu'il a à son poignet. Ce qui oblige le Predator à une fuite momentanée pour régénérer ses blessures dans une salle de bain, d'un couple d'un petit vieux. Ça, c'est à nouveau le côté du dit, mais c'est pour déconner, ou c'est un peu kitsch, ou c'est pas trop bon. Mais il y a quand même, dans l'idée de régénérer ses blessures, on se rappelle que dans le premier film, il y avait cette réplique culte, si ça saigne, on peut le tuer. Que Schwarzenegger disait quand il voyait le sang violet, le sang vert du Predator. Là, à nouveau, on a le sang vert fluo du Predator dans le deuxième film. Ça fait plaisir. Et dans le premier, je sais que le Predator, il soigne ses blessures. Là aussi, il soigne ses blessures, il prend le temps de se reposer, etc. Tout ça, etc. On a le personnage que je vais parler de Nick Glover, qui n'est pas un super-héros, Il est toujours vertige, etc. Il manque à chaque fois de se casser la gueule et il sue à grosses gouttes, voilà. Et même le Predator, dans le deuxième film, même si c'est une machine à tuer, il fait des pauses, etc. Même si tu sens, et ça c'est intelligent à voir, comme dans le premier film, l'aspect chasseur de la créature est parfaitement étudié. Dans le premier film, on se rappelle qu'il y avait des règles qui étaient mises en place. Le Predator, il voit des créatures, des humains ou même toute autre créature avec des armes. Là, pour lui, la partie est commencée. Là, dans le deuxième film, c'est aussi une technique de chasseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer à l'équipe de Danny Glover et il va s'attaquer un peu à réduire le nombre. Un peu comme quand on chasse une meute, etc. On élimine les autres créatures avant de s'attaquer au chef. Non, il y a vraiment des idées intéressantes scénaristiquement, même de plein de trucs. Voilà. Maintenant, le bas qui blesse, même les effets spéciaux, par moment, on sent que les effets spéciaux, ça passe. Et l'autre moment où ça passe pas trop, je me rappelle le final du film, on voit d'autres prédateurs, et tu te dis, merde, c'est incrusté dans l'image ou quoi? Mais c'est mal incrusté. Parce que tu as l'impression que les membres ils sont un peu coupés. Ils sont coupés au milieu de l'image, tu te dis, ah, ah, ah, ah. Oui, ça c'est un des problèmes. Ça, c'est un des problèmes. Donc voilà, quoi, c'est dommage, quoi. C'est après, voilà, on voit que c'est pas un film qui a été charcuté au montage, c'est pas bancal, etc. Le film tient assez bien, quoi. En gros, le premier film, je lui mets 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10, voilà, nickel. Le deuxième Predator, je lui mets 7 sur 10. Ça reste une bonne suite pour moi. Et les défauts, etc. Mais c'est pas la pure totale annoncée. Comparé au film que j'ai cité, voilà. Comme quoi, on pouvait toucher le fond, on l'atteint, malheureusement, par la suite. Donc voilà. Nelson, tu veux dire un mot dessus? Non, je veux juste, pour moi, j'ai pas du tout le même avis. Pour moi, ça, vraiment, c'est pas du tout une bonne suite. Et je pense que c'est là que Pourtant, on a fait pire. ouais, on a fait pire par la suite, mais vraiment, je n'ai pas accroché du tout à ce film. Et pour cause, j'ai pas trouvé le personnage. Le côté chasseur du personnage du Predator, je ne l'ai pas retrouvé dans ce film. J'ai vu comment dire, une espèce de film de tueur, certes, mais qui est pas qui est un peu bancal. On commence à entendre parler du Predator à peu près, même pas, enfin, le film a même pas atteint la moitié du film, qu'on sait déjà que il y a enfin, ils font déjà des allusions à ce qui s'est passé dans le 1, etc. Enfin, je trouve ce film assez bancal. J'aime pas sa production design. J'aime pas ses effets spéciaux. Vraiment, on est loin, très loin de la qualité qu'avaient les effets spéciaux Made in Stone et d'ailleurs avec à l'époque le Kevin Peter Hall qui jouait Elvin dans Supermind, qui était une putain de série qui a tué qu'une seule saison, mais qui était vraiment mortel. C'est marrant, Et d'ailleurs, j'avais pas noté que t'aimais bien Superman. Je sais pas pourquoi. moi j'adorais Superman. Bah, j'ai diffusé un épisode, Ouais, en live je vendredi. sais, c'est pour ça que j'ai ça. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, le film, je le trouve très moyen. J'ai pas aimé son ambiance, j'ai pas du tout aimé son scénario non plus. Et je trouve ça dommage parce que le 1, autant le 1 est passionnant de bout en bout, autant Ouais, mais si au bout de la le moitié tu 1, décroches, quoi. voilà, le 1, c'est quand même la différence entre un réalisateur comme John McTiernan, qui est spécialisé dans l'action, etc., et voilà, et le 2, qui est signé par quelqu'un qui, je veux pas dire qui débute, mais on a vu, juste avant, il a fait Freddy, tout ça, etc., il est Ah, c'est balancé ça une grosse le. production comme Predator 2, ça se ressent un peu, quoi, voilà. Ouais. Après, il n'a pas eu les problèmes techniques qu'a rencontré un Alien 3, mais tout de même, c'est le même principe, si tu veux, que le Retour Ben, des tu vois, Mariners Alien 2. 3, même charcuté, moi je le trouve supérieur à Predator 2, quoi. Ouais, bah, ouais, non, moi, pour moi, c'est égal. Enfin, vraiment, après, un jour, on reviendra sur Alien 3, c'est pas le truc, mais franchement, c'est égal. Et la version longue est encore pire. Mais en fait, si tu veux, moi, ça me rappelle le cas du Retour des morts-vivants qui était de Dan O'Bannon. Ils en ont fait un deuxième épisode, et quand ils ont fait le deuxième épisode, ben, en fait, ils nous l'ont filé à un réal qui n'aimait pas les films d'horreur. Donc du coup, Aïe, aïe, aïe. qui en a fait un film comique. plus qu'un film horreur comique comme l'était le premier, quoi. Et là, c'est le même truc. J'ai plus l'impression que c'est un gars qui ne maîtrisait pas vraiment les codes du genre et qui et surtout qui s'attendait pas, enfin, qui a pas dû bosser au départ pour les gros studios. Enfin, je sais pas, je suis pute, mais bon. Bah, comme je l'ai dit, c'est un honnête artisan, quoi, Hopkins, quoi. Faut pas non plus entendre mon fait merveille comme John McTiernan, quoi. C'est clair. Ouais, sûrement, mais bon, Predator, franchement, le premier est vraiment super, le deuxième est vraiment pas simple, c'est très très dommage. Très Et dommage pour nous, on va pas parler des suites parce que là, par contre, on Ah frise non, ben non, le fond de la Adrien pile. Brody, l'exomile sur pattes, ça va, quoi. C'est bon, on va pas parler de lui, quoi. La leçon piano, c'est très bien, mais franchement, Predator, c'est de la merde. J'ai vu un Voilà! truc, Adrien Brody, j'ai vu un classement la dernière fois, en fait il le classait parmi un des pires hosts de SNL. Parce que en termes de comédie, il est pas doué. Ouais, mais ben, je sais pas si moi je fais une parenthèse très rapide, mais putain, moi je l'avais vu dans Son of Sam, et Dans quoi? je Dans quoi? Son of Ah Sam, oui, c'est un off-frame, d'accord, ok. et je l'avais vu dedans, et j'avais trouvé mais tellement nul. Vraiment, c'est la première fois que je regardais ce mec, je me disais, mais il est nul, tu vois. Après, j'ai vu Predator, mais voilà, c'est vraiment pas Brody. Il a une catégorie de rôle. Enfin, dans certains films, ça passe super, mais il y en a d'autres où non, faut pas y aller. Faut pas Ouais, il y est aller. assez limité, quoi. Voilà, il est assez limité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Demandé qu'est-ce qu'il devenait, et il y a pas mal de films qui sont pas vraiment sortis chez nous, quoi, Ah la d'Adrien Brody. vache. Ah la vache, ça c'est pas. Ouais, c'est pas mon film, Ah ouais, quoi. moi non. Ouais, donc moi je vais parler rapidement de Rebecca. Ah oui, oh oui. Donc, premier film, Hitchcock, tout ça, bref. Qui est un très bon film, qui est un classique, qui est d'une poésie, d'un charme. Voilà, Même la mise en scène en apparence classique, elle est quand même monstrueuse quand tu fais attention. C'est ouf. Ouais. Alors il y a des trucs, il y avait des images que j'avais de l'ancien film, genre l'escalier dans le hall chez eux, ou l'extérieur comme ça, enfin quand ça l'incendie, vraiment, c'est des souvenirs que j'avais avant de le revoir. C'est des petites choses qui marquent. Et en fait, du coup, je me suis maté le récent, ça fait un moment que je l'avais sous le coude, parce que je me suis dit, finalement, quel est l'intérêt de refaire un remake à Rebecca? Après, le casting en soi, il est intéressant. Parce que sur le casting du remake, déjà le réalisateur, c'est Ben Wheatley. Ouais. Donc Ben Wheatley, c'est Kill List, d'intéresse, Free Fire récemment, plus récemment aussi. Voilà, c'est un mec qui est plutôt intéressant, et qui a fait des trucs, voilà, qu'on a été remarqués. Après, je trouve que le film en lui-même, ouais, je trouve pas la hauteur de ce qu'il aurait pu être, ou alors c'est un peu décevant, ou alors je sais pas, sinon, sur le casting, Lily James et Armie Hammer, moi voilà, donc ce que j'ai, c'est que c'était intéressant, parce que Armie Hammer, alors le rôle de Monsieur de Winter, c'est quand même le mec de la grande noblesse, bourgeoisie, enfin anglaise, machin et tout, et Armie Hammer, ça lui va comme un gant, parce qu'il vient d'un milieu comme ça, un peu aux États-Unis, de famille pétée de thunes, voilà, donc c'est un peu... Il a même quasiment pas à jouer, en fait. Mais maintenant, j'ai décidé de le rebaptiser Cannibal Army, hein, donc à cause de ces histoires où il est accusé de vouloir manger les gens. Donc pour moi, c'est Cannibal Army. Et Lily James, que moi j'avais connue dans Downton Abbey. Et qui, la même année où elle a commencé dans Downton Abbey, elle a fait le remake de Cendrillon, le remake live de Cendrillon par Kenneth Branagh. Et plus récemment, bon, elle a fait dans divers trucs aussi, hein, genre, attends, c'était lequel déjà? C'était Orgueil, Préjugés et Zombies, qui est le truc un peu, Ah oui. voilà, à jouer Ah oui. dedans. Et elle a joué dans Baby Driver aussi, celle qui fait la serveuse dont c'est prend le héros. Ah ouais. Elle a joué dans Sorry to Bother You, mais elle faisait juste une voix. Donc c'est pour ça que je me disais, je voyais le truc, je me disais quoi? Mais non, elle fait juste une voix, donc ça va. Je pense que c'est juste pour dire qu'elle était dedans ou tu vois. Bon, elle fait des petits rôles par-ci par-là. Bon, après, accessoirement, elle est dans les rubriques People aussi, mais ça c'est encore autre chose. Et sur le rôle de la dame chez qui elle fait dame de compagnie, son personnage de départ, donc Mrs. Van Hopper, c'est Anne Dowd. Le rôle est assez bref, parce qu'il concerne que le début du film, mais finalement, je trouve qu'il est assez marquant en fait comme type de personnage. Plus d'ailleurs, je pense dans l'original, mais je trouve qu'ils en font un peu des tonnes sur le remake. Et donc elle, Anne Dowd, elle a joué dans The Leftovers, elle a joué dans Master of Sex, elle a fait plein de séries comme ça en fait. C'est un visage où au départ ça te dit rien, puis finalement, je crois que c'est à partir de The Leftovers, moi j'ai commencé à me dire oui, c'est marrant, elle est un petit peu partout. Donc voilà. Donc il y a un casting assez solide et finalement qui va bien. Alors accessoirement, il y a un mec, comme ils sont censés être à Monte Carlo au début du film, hein, ils ont pris un ou deux acteurs français pour faire les serveurs ou les personnages du truc. Voilà, et donc il y a un Le mec que... casting Emeline Paris. Il y a un mec que j'avais pas vu depuis des plombes, qui s'appelle Jean Del, qui est un Jean mec... Del. Ouais, Jean Del, qui est, comment dire, lui, ça fait, il a débuté sa carrière au début des années 90, hein, donc c'est pour dire. Et je crois même qu'il a essayé d'être comique à un moment. Et ça fait des plombs. Alors j'ai plus la télé, hein, donc c'est un truc, il fait de la télé, donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai pas vu depuis des plombs. Mais ouais, à un moment je crois qu'il s'est essayé à être comique, voilà, il fait énormément de télé. Tu vois sa tête, forcément, tu te dis, ah, lui ça me dit quelque chose. Donc voilà, et puis et donc voilà. Et sinon sur le film en lui-même, alors j'ai regardé ça, je crois c'est cette nuit, je sais plus, et j'ai commencé à tweeter le truc parce que finalement je trouve ça complètement foutraque. C'est-à-dire que je sais pas, en fait on dirait qu'ils ont le cul entre deux chaises à vouloir tantôt vouloir faire référence au truc, mais en même temps ils n'arrivent pas à s'en démarquer de l'original, donc c'est en termes de ton, je pense qu'ils auraient dû carrément vraiment se ils auraient vraiment dû se démarquer du truc à fond, quoi. C'est parce que là du coup en fait c'est comme s'ils essayaient de faire, on va refaire le film mais un peu différent pour se démarquer mais pas complètement non plus, donc je vois pas. Le syndrome cimetière. Ouais, peut-être, oui, sûrement. Là, je sais, puis en plus, comme j'avais vu l'original juste avant, tu vois, donc j'avais encore tout frais des trucs. Et tu as des répliques, en fait, qui redisent, mais dans un autre ordre. Et du coup, en fait, ça enlève la logique de pourquoi elles étaient dites à ce moment-là, tu vois. Il y a des trucs où donc oui, ils en font des tonnes sur le côté grave, donc je le disais sur le plus tard, mais c'est genre au niveau musical par exemple, ça participe beaucoup à, oh regardez c'est un drame et tout, alors que dans l'original tu vois c'était les choses se font d'elles-mêmes, c'est fin, voilà. Et là en fait je trouve que c'est mais je pense que c'est dû à l'époque aussi, c'est-à-dire que autant l'original était empreint de son époque sur la manière de faire, là aussi, et c'est là que tu te rends compte que sur la manière on en rajoute trop dans les films maintenant, on en rajoute trop quand ça, on fait plein d'ellipses, on fait plein de trucs de facilité parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête sur certaines choses, mais d'un autre côté on en rajoute beaucoup beaucoup trop. Là par exemple sur le personnage d'Ami Hammer de Monsieur Doutard, il lui a rajouté un truc au personnage, mais pourquoi? Quel est l'intérêt du truc? Ils ont essayé de faire un petit peu des trucs où un petit côté voilà, elle est hantée par certains rêves ou machin et tout. Enfin bref, c'est un peu non, non, ça alourdit les choses, c'est faux quoi. Et sur l'interprétation, j'ai l'impression que des fois, elle est un petit peu perdue, Lily James. J'ai l'impression que, je sais pas si elle était vraiment dirigée, si elle a vraiment travaillé. Enfin, c'est comme si tu sens le derrière qu'on lui a dit, allez, joue le truc. Et d'un coup, on dirait que c'est qu'elle n'était pas préparée avant, j'en sais rien. Je sais pas, on la sent pas dedans. On la sent pas dedans. Elle joue le truc, mais elle est pas dedans. Armie Hammer, bah comme j'ai dit là, ça lui va très bien, c'est surnaturel. Hein, voilà, il y a aucun intérêt sur le truc. Après, sur la réalisation, il y a des plans, des esthétiques qui sont intéressantes, mais c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je pense que c'est au niveau du scénario que ça pêche. Voilà, c'est essentiellement au scénario. Après, je serais curieuse de savoir si au montage ils ont beaucoup coupé ou pas, et comment s'ils s'en sont tenus finalement à ce que à ce qu'ils avaient prévu de base, parce que je suis un peu. Ah oui, il y a Christine Scott Thomas aussi dedans, j'oubliais. Il y a Christine Scott Thomas qui fait Madame Danvers, en fait, parce que Madame Danvers, alors dans l'histoire, oui, Ah, c'est l'histoire. la gouvernante. Ouais, exactement. Alors j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'histoire parce que notamment l'histoire, c'est voilà, tu as l'histoire, c'est une jeune femme en fait qui est dame de compagnie pour une vieille bourgeoise. La vieille bourgeoise, elle est fascinée par Monsieur de Winter. Monsieur de Winter, on n'a rien à foutre de la vieille bourgeoise. Il préfère la compagnie de sa dame de compagnie justement, et ils finissent par tomber amoureux, donc sur la Côte d'Azur, vers Monte Carlo, tout ça. Et finalement, d'ailleurs, la demande de mariage dans le film original est mignonne, quoi. Après, elle est mignonne, mais elle s'ensuit d'un truc un peu typique de l'époque qui est un peu sexiste. Mais bon, bref. Et dans le, dans, dans, voilà, dans ce remake, il finit par l'épouser et la ramène donc dans son domaine, qui est, merde, j'ai oublié le nom. En plus, putain, C'est pas Xanadu, parce que Xanadu, c'est Citizen Kane, on avait parlé à une autre non, émission. en plus, il est connu aussi le nom. Attends, je sais même plus. Pas Mandalay, trop quoi, c'est Si, c'est Manderlay, je crois. Ouais, si. ouais. Et en fait, ouais. Et le truc, c'est que le mec, il est veuf en fait. Donc il y a ce souvenir de sa femme décédée qui hante toute sa demeure, son énorme demeure. Et Madame Danvers, qui est la gouvernante de la demeure, était une très bonne amie. Adorait en fait l'épouse décédée. Donc les rapports Ouais, à... on peut dire son souvenir en quelque sorte. Voilà, a fait perdurer le souvenir. D'ailleurs, en fait, c'est finalement au fil du film qu'il se rend compte qu'elle est beaucoup plus obsédée par le souvenir de la femme décédée que finalement l'était le mari. D'ailleurs, je trouve en fait, moi, oui, j'ai une théorie, hein, c'est qu'en fait, la gouvernante était amoureuse de la femme décédée, parce que dans le premier film, à un moment, il y a le dialogue où, quand il avoue des trucs au personnage de la jeune épouse, il dit que pendant la lune de miel, à un moment sur la falaise, il dit, et à ce moment-là, elle m'a dit tout d'elle. Et elle m'a dit qu'elle allait jouer la bonne épouse, nanana, nanana, tu vois. Et il dit qu'à ce moment-là, Donc en fait, il il voulait la... s'aperçoit en film qu'elle est ignoble. Oui, mais le dialogue, c'est d'abord, elle est ignoble, mais le dialogue, c'est, elle m'a dit tout d'elle. Et le personnage de Madame Danvers est tellement obsédé par cette personne. Voilà, ça pourrait très bien être une relation... implicite en fait entre les deux. Moi, après, c'est juste mon interprétation, hein. Surtout qu'en plus, le personnage de Christine Costomas dans le remake, voilà, ne dément pas ça. Après, il y a pas ce Oui, il y a plein de trucs qui sont passés à la trappe dans les mecs. Et d'un autre côté, des trucs qui sont vraiment rajoutés. Je trouve ça, et vraiment des trucs rajoutés qui ne servent à rien. C'est vraiment pour faire de la contenance, en fait. Et alors que l'histoire ne requiert pas de rajouter autant de contenance. C'est de l'enrobage. Donc je suis, autant l'esthétique n'est pas moche, hein. Il y a une esthétique, qui est plutôt jolie. Mais, l'histoire et, l'interprétation de Lily James, j'ai un petit souci avec. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Du coup, on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Puisque visiblement, les cinémas ne sont toujours pas ouverts. Toujours pas, puisque Jean Castex ne veut pas ouvrir. Voilà, et puis que Roselyne, elle est en vacances aussi. Ouais, c'est la merde. Donc voilà, on vous dit au revoir à tous. Au revoir. À la semaine prochaine.